Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un film maudit, imaginé par Jacques Prévert et que Marcel Carnet devait réaliser. Ce film a eu plusieurs noms, L'île des enfants perdus, Les vacances de Pâques et puis La fleur de l'âge. Son histoire a connu plusieurs temps. Celui des fées à l'origine du film, une mutinerie d'enfants d'un bagne de Belle-Île en 1934. Celui du Front populaire et des premiers succès du poète et du réalisateur. Celui enfin de la libération et d'un tournage chaotique. De ce film, dont il ne reste aucune image en mouvement, est née une passion parmi les admirateurs cinéphiles de Prévert ou de Carnet, qui depuis cette disparition se sont mis en quête de retrouver ces images, ou du moins de faire vivre de nouveau ce film disparu, jamais conçu. Le dernier auteur à s'être lancé dans cette quête se nomme Nicolas Chaudin. Il en a tiré un livre intitulé « L'île des enfants perdus ». Bien, mais comment expliquer la mémoire si forte de ce film pourtant absent ? Comment l'île aux enfants perdus est-il devenu une relique cinéma ? Quelles sont les raisons de l'arrêt du tournage ? Que souhaitait raconter Prévert ? Que souhaitait filmer Carnet ? Notre invitée aujourd'hui, Carole Rouet, enseignante et chercheuse à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de Jacques Prévert, de ses écrits comme de son cinéma. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et Retro News, le site de presse de la BNF. Émission préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements ? Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. L'histoire du jour commence par ces vers, extraits d'un poème intitulé « La chasse à l'enfant » de Jacques Prévert. Publié en 1946 dans Parole, il a été 10 ans plus tôt mis en musique par Joseph Cosma et chanté par Marianne Oswald. Cette chasse à l'enfant n'a pas été imaginée ou fantasmée par le poète, non. Elle s'est déroulée, oui, dans la réalité, le 27 août 1934, sur l'île bretonne de Belle-Île-en-Mer. Sur ce bout de terre, aux abords de la ville du Palais, se trouve une forteresse qui domine les eaux. Derrière ces murs, longtemps on a enfermé assassins, escrocs, gredins et même insurgés politiques. À partir de 1880, ce sont des enfants qu'on met aux arrêts dans des petites cellules insalubres. On nomme le lieu « colonie pénitentiaire pour mineurs ». Sous les ordres de gardiens parmi les moins brillants, on y trouve quelques délinquants endurcis, mais surtout de petits voleurs et de simples vagabonds. En effet, jusqu'en 1935, traîner dans les rues est un crime puni par la loi. Pour ces faits banals, des enfants sont ainsi condamnés à des peines d'emprisonnement, mais aussi au travail et au sévice. Certes, on leur apprend un métier, mais au prix d'un labeur quotidien, contrôlé par une discipline de fer. En 1925, le journaliste Louis Roubaud s'y rend. Dans son livre « Les enfants de Caen », il parle de ce lieu comme d'une véritable école du bagne. Il y décrit les pires châtiments aux noms énigmatiques. Corvée de sable, soupe de colle, bal. Le bal, tiens. L'une des plus célèbres sanctions du centre. Pieds nus, de 9h du matin à 5h du soir, les enfants punis courent le front posé sur le dos du camarade qui le devance. Et à chaque ralentissement, à chaque corps qui faiblit, les surveillants frappent à coups de galoche. L'ouvrage du reporter fait grand bruit. Alors les autorités changent le nom de ces établissements pour enfants. Les colonies deviennent des maisons d'éducation surveillées. Les détenus sont nommés pupilles. Aux gardiens, on offre le titre de surveillant et de moniteur. Si la prison s'éloigne par les mots, les châtiments, eux, ne quittent pas les lieux. Le 27 août 1934, dans l'établissement de Belle-Île, vers 19h, les pupilles sont au réfectoire. Un enfant décide de manger son fromage avant son bol de soupe, ce qui est interdit. La sentence est immédiate. Des coups d'abord, puis la promesse d'un régime de pain sec. Face à la brutalité du surveillant, d'autres enfants se révoltent. Une mutinerie s'ensuit, durant laquelle les 5 gardiens du réfectoire sont roués de coups. Les mutins, dont certains sont hauts comme trois pommes, ouvrent les portes et tentent l'évasion. À l'aide d'échelles, 56 d'entre eux arrivent à s'enfuir. Alors que le soleil se couche, ils disparaissent dans les champs près des falaises. Dès l'annonce de l'évasion, la traque commence. Et pour l'accélérer, l'établissement promet à la populace une prime de 20 francs pour chaque enfant retrouvé. Alors, ce soir-là, paysans, pêcheurs, touristes, hommes, femmes, tous partent en chasse, à pied, en voiture, avec revolvers et fusils. Les battues s'organisent durant toute la nuit. À l'aube, l'un des enfants est repéré, blotti sur un rocher tout proche de l'eau. Un rond de cuir du ministère le voit et l'interpelle. « Oh la main où je tire !» L'enfant découvre sa poitrine et lui répond « Eh bien tire, mon vieux, ma peau est à toi !» Sur les 56 enfants, 55 sont récupérés. Ils subiront tous de violentes punitions. Mais que devient le 56e ? Dans les jours qui suivent, la presse se fait l'écho de cette mutinerie. Le ton est d'abord à la condamnation des fugitifs. Puis quelques journalistes s'interrogent tout de même. Quelle est la vie derrière ces murs pour qu'un enfant tente de traverser la mer pour espérer la liberté ? Alexis Danan, de Paris Soir, sera la tête de proue de cette campagne à l'encontre de ces établissements. Le 25 septembre, il publie un article intitulé « Enfants martyrs en uniforme ». Et le 18 octobre, son journal titre « Le scandale des bagnes d'enfants » ou encore « Il y a des cellules de torture où ni l'air, ni l'inspecteur, ni le journaliste ne peuvent pénétrer ». C'est sans doute quelques semaines après ces articles, fin 1934, début 1935, que Jacques Prévert écrit ce poème. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit ? Quels sont ces éclairs, ces bruits ? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Jacques Prévert est alors un artiste dont l'audience se limite aux compagnons surréalistes de l'atelier du 54 de la rue du Château près de Montparnasse et aux spectateurs des pièces du groupe Octobre, une compagnie théâtre ouvrier révolutionnaire. Car au lendemain de la Grande Guerre, l'époque où y était la révolution, aux arts et en l'engagement. Prévert est l'un des témoins et des acteurs de ces jours de fête. Longtemps, l'ancien élève de l'école buissonnière a été plus homme de main comme de plume. Et puis il s'est mis à écrire. Sa poésie ne connaît ni genre, ni frontières. On la scande, on la joue, on la chante, on la publie, on la filme même. En 1927, il s'essaie au scénario et au dialogue de cinéma. Plus tard, il se souviendra de ces années comme celles où il était rebouteux, rempailleur de films. Il refait, effectivement, adapte, reprend des dialogues pour d'autres, sans abandonner ses propres œuvres. À la fin de l'année 1935, il entame l'écriture d'un premier scénario autour de l'histoire de ses enfants du bagne de Belle-Île. Le premier tapuscrit se nomme « L'île des enfants perdus » et il commence ainsi. L'île, à la fois fertile, sauvage, des roches, la mer. Le bateau qui fait le service entre l'île et le continent. Les passagers, de joyeux touristes prenant des photos, des soldats en permission, des habitants de l'île. On s'approche de l'île. Un vrai paradis. Sur un banc, avec à côté d'eux un gardien, trois jeunes garçons menottent aux mains. Les deux plus âgés semblent avoir 15 à 18 ans. Le plus jeune, peut-être 13 ans. ...48 pages pour dénoncer le régime carcéral des enfants. Le récit est construit autour d'une double histoire d'amour. Le cœur à prendre est celui de Danielle, la jeune fille d'un riche industriel en vacances sur l'île. La famille espère qu'elle acceptera les avances d'un jeune homme beau, sportif, héritier d'une importante maison de tissus et également du voyage. Sauf que Danielle en décide autrement et sait prendre un bagnard, Jean-Louis. Un soir, une mutinerie éclate au sein du pénitencier. Certains enfants, dont Jean-Louis, s'évadent. Que va faire Danielle pour sauver son être aimé ? Va-t-il être capturé par la meute des honnêtes gens ? Comme souvent, ce premier tapuscrit reste d'abord dans les tiroirs de l'auteur. Le cinéma est ainsi fait, c'est une affaire de temps différé à la recherche de camarades, de financement. Alors Prévert poursuit sa route. Le groupe Octobre s'interrompt, une autre bande se forge. 1936 marque les premiers succès cinématographiques de Prévert. En janvier, Le crime de Monsieur Lange, de Jean Renoir, dont il signe les dialogues, sort dans les salles. Et parmi les spectateurs de la première, il y a un jeune cinéaste, Marcel Carnet. Il y avait deux hommes dans la salle, il y avait Jean Renoir, il y avait un autre garçon qui avait déjà, je crois, quelques petits cheveux gris, là. Ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, parce qu'il paraissait très jeune. C'était Jacques. Et c'était Jacques. À l'issue de la projection, je suis allé le trouver. J'ai d'abord dit à Renoir tout bien que je pensais du film. Et puis j'ai parlé à Jacques de son travail, que je trouvais excellent, et que je préparais un film. Je serais très, très content de travailler avec lui. Et voilà comment est née notre collaboration. Et c'était génie. C'était génie. Prévert s'attelle donc à Génie. Il adapte le scénario et signe le dialogue. Il intègre même une allusion à Belle Lullée. Vos enfants du pénitencier, oh, presque rien. Quelques phrases. Et pourtant. Quand j'étais petite, je jouais avec les pêcheurs à Belle-Île. C'est joli au mois de février. Il y a déjà des mimosas. Belle-Île, les mimosas, je connais. Vous êtes allé à Belle-Île? Oui, j'y suis resté 11 ans. On aurait pu se rencontrer. Vous avez peut-être vu, sans le savoir. Oh, il y a peu de chance. Pourquoi? Pour rien. À Belle-Île, il y a un pénitencier, une prison de gosses. Vous êtes sûrement passé devant. Je ne me souviens pas. J'étais trop petite. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi, j'étais tout petit. Génie, la première collaboration entre Marcel Carnet et Prévert. L'île aux enfants perdus devait être la seconde. Dès leur première rencontre, Prévert évoque son scénario à son nouveau camarade de jeu. Et Carnet est emballé. À la fin des tournages et du montage de Génie, les deux hommes se lancent à la recherche d'un producteur. En août 36, Jean Salvich donne son accord aux deux auteurs, mais leur demande un peu de prudence pour éviter un veto de la censure qui peut s'abattre sur toute production et y mettre fin. Carnet et Prévert en sont conscients, ils décident de faire la cour aux hommes du Front Populaire alors au pouvoir. En août, ils écrivent au ministère de la Santé publique, insistant sur le fait que l'histoire n'est que fiction et que le film se terminera sur les améliorations apportées par le gouvernement sur ces maisons d'éducation. Bien. Fin août, le dossier est transmis au ministère de la Justice. Le 19 septembre, le secrétaire de la Présidence appuie la demande. Sauf qu'une semaine plus tard, à Boulogne-Billancourt, des jeunes filles s'évadent d'un pénitencier. Et l'affaire est en première page de tous les quotidiens. Jacques Prévert prend la plume afin de les défendre. Le 3 octobre, dans le journal communiste La Flèche, il écrit. Les enfants des riches sont quelquefois privés de dessert. Les enfants des pauvres sont privés de liberté jusqu'à leur majorité. Madame Génia, directrice, peut dire et faire dire, écrire et faire écrire, qu'il y a des enfants irrémédiablement mauvaises. On peut facilement lui répondre qu'elle est irrémédiablement bonne. Mais que les jeunes filles qui se sont enfuies de son pénitencier n'appréciaient sûrement pas ce genre de bonté. Et l'article passe mal, comme la mise en chanson du poème « La chasse à l'enfant » qui sort la même année. Salvich jette l'éponge, l'île aux enfants perdus, retourne dans les cartons. Mais oui, oui, irons-nous, ma pauvre amie? N'importe où. À l'hôtel. Allez, allez. À l'hôtel. Allons. Carnet et Prévert se concentrent sur un autre film, Drôle de drame. En avril 37, néanmoins, un nouveau producteur accepte le challenge, mais l'actualité interfère encore. Car le 8 avril, on apprend qu'à Belle-Île, un détenu, Roger Abel, est mort après 38 jours passés dans un cachot humide. Les journalistes se rendent sur place, l'opinion s'émeut, les autorités se taisent. Et le projet de Prévert, alors? Eh bien, le 21 avril, un journaliste de Paris Soir interroge directement l'intéressé sur cette idée de film que tout le Paris et le tout Paris semble connaître. Dans cette courte interview, Prévert explique les dangers de la censure sur un tel sujet. Si bien qu'il avait imaginé écrire une pièce de théâtre. Il reste néanmoins confiant et annonce le choix de tourner malgré le risque. D'ailleurs, rien ne bouge. Le tournage, plusieurs fois annoncé, n'a jamais lieu. De leur côté, Carnet et Prévert poursuivent leur film et conçoivent une partie des chefs-d'œuvre de ce qu'on a appelé plus tard le réalisme politique, autrement dit Quai des Brumes, L'Hôtel du Nord et Le Jour se lève, sorti en juin 1939. Tout cela finit par éclipser le projet de L'île aux enfants perdus, de toute façon, définitivement bloqué par la censure. En septembre de la même année, la guerre éclate. Malgré l'occupation, le cinéma de Carnet et de Prévert se poursuit. Après Les Visiteurs du Soir, il tourne Les Enfants du Paradis. Réalisé sous l'occupation, ce film sera le premier grand succès de la Libération. Un chef-d'œuvre en deux parties avec Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Marcel Herrand, Maria Cazares et Arletty. C'est grâce à elle, ou du moins à l'admiration que lui voue un producteur, Nicolas Vondas, que le projet de L'Île aux Enfants perdus réapparaît. Malgré le blâme infligé à l'actrice pour son histoire d'amour avec un officier allemand, Nicolas Vondas souhaite la voir de nouveau à l'écran. Arletty accepte, à une condition, une seule même, jouer de nouveau sous les ordres des hommes qui ont fait son succès, Carnet et Prévert. Il se trouve qu'en 1946, ils finissent un nouveau film, Les Portes de la Nuit. Voilà 10 ans que leur projet autour du bagne d'enfants reste à quai. Mais depuis, le cinéma a changé, tout comme les pénitenciers et l'époque. Vondas accepte de relancer le film, mais à la condition que les auteurs ajoutent de la gaieté à l'histoire. Dépeindre avec un peu plus de couleur, ces temps troublés. Tel est le deal, il faut rire, sourire, divertir. Prévert râle. Le cinéma et ses contraintes lui pèsent de plus en plus. Il accepte toutefois de se remettre à la tâche. Dans le même temps, le 3 décembre 1946, sort leur film Les Portes de la Nuit. Le succès est mitigé. Les critiques sont féroces. Prévert est touché. À Carnet, il aurait dit « J'en ai marre de bosser 10 mois sur un scénario pour me faire engueuler en 10 lignes par un compte critique. » Et si c'était le poète qui mettait fin à L'Île des Enfants perdus ? Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Qui m'aimait, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bonjour Marcel Carnet, et bon voyage tout de suite. Bonjour. Vous partez pour la Bretagne tourner, je crois, l'île des enfants perdus. Ah non, pas du tout. Je tourne La fleur de l'âge. Ah, c'est le nouveau titre. Oui, c'est le nouveau titre du film. Vous allez dans quel coin de la Bretagne? Mettons dans une île bretonne. Je ne peux pas, pour des raisons très particulières, spécifier davantage. Bon, est-ce que vous amenez beaucoup d'enfants? Pas maintenant, pas tout de suite. D'ici 3 semaines, 1 mois, j'aurai environ 100 d'enfants qui viennent de Paris et d'autres enfants que je trouverai sur la côte bretonne et dans l'île, du moins je l'espère. La fleur de l'âge, tel est donc le nouveau nom de l'île aux enfants perdus. Comme convenu, au début de l'année 47, Jacques Prévert finalise la nouvelle version du scénario. Après les demandes du producteur Nicolas Vondas d'intégrer Arletty au casting et d'apporter du divertissement à cette histoire, il ajoute à la trame originelle la présence d'une bande de Parisiens décadents sur un yacht, avec à sa tête une femme de 48 ans, Florence, jouée précisément par Arletty. Le 2 avril, la commission de contrôle autorise le tournage du film. Le 4, Carnet part avec ses équipes sur l'île afin d'effectuer les derniers repérages. Le réalisateur est confiant. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de tourner ce film? Oh, il y a très très longtemps que je voulais tourner ce film. Je voulais tourner exactement depuis 1934, depuis qu'une révolte d'enfants, enfin une mutinerie d'enfants a eu lieu dans une île bretonne, toujours, pour ne pas spécifier. L'action ne se déroule pas dans des écoles et des pénitenciers, c'est pas du tout la cage aux Rossignols, par exemple. Non, pas du tout. On a dit que c'était un film sur les bagnes d'enfants. En réalité, ça n'est pas tout à fait le cas. C'est un film en marge d'un pénitencier. Je veux dire, c'est un film avant tout avec une intrigue romanesque, n'est-ce pas ? Et ça n'est ni un pamphlet, ni même un documentaire. Parce que je ne crois pas très sincèrement que dans l'état actuel du cinéma en France, on nous l'aurait permis. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon voyage et à bientôt. Au 14 juillet. Ce serait pour le 14 juillet, je serai à Paris. Quoi que je reconstitue le 14 juillet à Belle-Île, mais enfin, parce qu'il ne faut pas citer le nom de l'île, je l'ai quand même cité. Au revoir. Bon, au revoir. Trois semaines plus tard, le 28 avril, toutes les têtes d'affiche sont présentes sur l'île. Belle île, on peut le dire maintenant, Monsieur Carnet. Donc, Arletty, Martine Carole, Serge Reggiani, Paul Meurice, Julien Carrette et une toute nouvelle jeune actrice de 15 ans à peine, Anouk Aimé. Cette petite troupe à laquelle s'ajoute l'équipe technique, une centaine de personnes, investit l'ensemble des hôtels de Belle île. C'est-à-dire 3 établissements modestes répartis à chaque extrémité de ce bout de terre. Mais ces conditions spartiates ne sont rien face à un problème bien plus grand, le temps breton. En effet, à la fin des années 40, la caméra a encore du mal à sortir des studios et Marcel Carnet est un réalisateur, disons, casanier. La météo de l'île bretonne le déstabilise fortement. Il ne sait que faire de cette lumière changeante, de ces nuages, de ce soleil qui joue à cache-cache avec eux. Tout se décale, s'entrechoque. Le plan du tournage du film ressemble à la toile de Pénélope dans l'Odyssée. On fait, on défait. Les fils s'en mêlent, le retard grandit, comme l'inquiétude d'un échec. Le 9 mai, Carnet propose à Prévert de tourner à Porquerolles. La belle affaire. Cela dit, la météo n'est qu'un élément parmi d'autres. Filmé à l'extérieur, dans un décor naturel, oblige le cinéaste à jouer avec les aléas du réel. Et Carnet est un perfectionniste, trop peut-être. Il attend que tout soit parfait. Et forcément, ça lui joue des tours. Par exemple, lors d'une scène près du port, il hurle face à la présence dans le cadre d'un pêcheur qui relève tranquillement ses casiers sur sa barque. L'homme travaille, voyez-vous, monsieur Carnet. Mais le réalisateur s'en moque. Alors pour qu'il parte, il lui propose de l'argent. La nouvelle fait le tour du port et le lendemain, des dizaines de pêcheurs s'installent dans le champ de la caméra, Carnet les paie tous. Face au retard et à la pression du producteur, le cinéaste perd pied. Déjà irrité en studio, il l'est encore plus en plein air. Ses colères résonnent dans toute l'île. L'une d'entre elles, à l'encontre de Paul Meurice, marque particulièrement les esprits. Comme le confiera plus tard Robert Vallée, l'un des assistants décorateurs, dans l'émission Le cinéma retrouvé de Michel Bouju en 1994. Les tournages de Carnet, j'en ai fait plusieurs, c'était toujours très tendu. C'est très étrange, cet homme qui, quand vous déjeunez avec lui, est un homme drôle, il a de l'humour, il est charmant, c'est marrant de bouffer avec Carnet. Et puis quand il arrive sur un plateau, il devient aussi maboule qu'un gars qui est un dingue de jeu. Vous savez, le gars qui devient tout gris parce qu'il arrive devant une table de roulette. Lui, c'est pareil, dès qu'il arrive sur un plateau, il est plus le même. Est-ce que vous vous souvenez de conflits particuliers et précis entre tel et tel des comédiens ? Je vais vous en donner un conflit. Il s'est mis à engueuler Paul Meurice. Et Meurice est parti, il est allé à son hôtel, il est revenu avec une cravache qu'on lui avait offerte dans le film précédent, et il lui a dit « S'il y en a un, comme vous dites ici, c'est vous, c'est pas moi. Vous allez retirer ça tout de suite ou je vous la casse sur la gueule ?» Alors, Marcel, qui a beaucoup de qualité, mais c'est quand même pas un battant, il a dit non, vous savez ce que si on vient d'un mot comme ça, on en vient à un autre, là, de penser vous dépasse, etc., les boubons, et non, c'est fini, je m'excuse, etc. Oui, c'est moi, c'est pas vous, disait-il. Pour sa défense, il est vrai que Carnet n'a pas de chance. Paul Meurice joue un gardien-chef. Pour cela, on lui a accolé un beauceron, un gros chien, genre qui fait peur. Aux essais, pourtant, tout se passe à merveille. La complicité entre l'acteur et le chien est parfaite. On cale le tournage de la scène, temps splendide, champ libre, moteur. Bien. Sauf que là, le chien s'affaisse. Ses deux pattes de devant ne répondent plus. Sans explication, il n'arrive plus à bouger. Incroyable. Emmené d'urgence à Paris, aucun vétérinaire n'arrive à le sauver. Le chien est abattu, le plan, lui, est à refaire. Les hommes également mènent la vie dure au metteur en scène. Souvenez-vous, le producteur Vonda souhaitait un yacht. Il fallait faire rêver les Français. Or, ce genre de bateau est introuvable au lendemain de la guerre. Et c'est bien un miracle si un régisseur en dégote un à Monte-Carlo. Un contrat de location est signé pour une durée limitée. Sauf qu'un marin d'eau douce a peu d'allure en plein océan. Et le yacht arrive à Belle-Île avec 2 semaines de retard. Fâcheux. Pire, sur place, le chef d'équipage rechigne à sortir le bateau. À la moindre menace de vent ou de houle, il reste à quai. Incroyable. Carnet enrage. L'équipe patiente et les gens de Belle-Île se marrent. En 2004, pour leur film « Carnet de naufrage », les documentaristes Claudine Bourbigo et Elisabeth Fetti interviewent quelques riverains. On était tous émotionnés, on était fiers que de faire le film de Marcel Carnet à Belle-Île-en-Mer. Quand on a touché notre paye, j'ai acheté un short, j'ai acheté un chemisier, une jupe, et le short était aussi mal coté que dans ses sulquets. Pour le cinéma. Et j'avais mes parents qui étaient figurants. Alors ils allaient à Sauzon. Ils embarquaient dans un bateau. Et je me souviens que ma mère nous racontait qu'elle était tellement malade à bord du bateau. Elle lui disait « Mais continuez, madame, ça fait vraiment naturel. » Oui, mais le tournage désorganise la quiétude de l'île et de la pêche. Et pas seulement. Il a éveillé aussi les sens et fait rougir certaines joues. Parmi les actrices présentes sur le tournage, il y a Martine Carole, dont la beauté et les formes seront au cœur de beaucoup d'images et de rumeurs sur l'île. Martine Carole était mal cotée aussi, puisqu'elle allait se baigner nue sur les plages, et puis il y avait beaucoup de personnes qui allaient voir, et elle prenait un taxi pour aller... Ça faisait un peu le camp du nudisme la nuit, quoi, avec... Ouais. On tournait en orgie, c'est sûr, mais enfin, on n'était pas là, nous autres... On savait ce qui se passait quand même, il y a toujours des curieux, vous savez, dans l'île. Oh ben, ils allaient se les dorer sur la terrasse du Risque-Tout, quoi. C'est là qu'on a vu les premiers seins nus à Belle-Île, en 1947, vous vous rendez compte? On était en avance. Martine Carole profite de l'île comme elle peut. Après tout, ce tournage n'est qu'attente. attendre la bonne météo, le bon décor, la bonne humeur du réalisateur. Alors, oui, l'équipe patiente, tranquillement, à l'hôtel, au café, à la plage, autour de verre et de parties de cartes. Demain redevient le refrain de ces tournages. Si bien que la formule est reprise par le producteur, qui tarde souvent à payer son dû. Si bien que les grèves éclatent. Les techniciens d'abord, puis les acteurs. Face à cette fronde, la production finit par mettre la main à la poche. Mis en coulisses, le producteur Fondas oblige les deux auteurs à supprimer les scènes et les décors afin de rester dans les clous, côté budget. En 32 jours de tournage, 69 plans seulement ont été tournés. Il reste 10 semaines en studio et 282 plans à tourner à l'extérieur, notamment 39 sur le yacht, mais qui depuis est reparti. Face à toutes ces mésaventures, Prévert accepte de venir quelques jours sur place afin de réduire le scénario. Ce sera juste un passage succinct afin d'aider Carnet à trancher dans le vif. Ainsi, le scénario se recroqueville, se dissout face aux coupes du producteur. Carnet se sent abandonné. Le 14 juin à 8h10, il envoie à son ami ce télégramme. Serait désireux avoir par retour ton avis sur ce genre de collaboration inédite entre nous et si c'est là ton opinion sur le rôle du réalisateur d'un film. Stop. Te renouvelle mon étonnement que tu aies parlé à un producteur de la suppression d'un décor avant que je ne t'aie donné mon accord sur ce point. Stop. Si tu désires, te cède bien volontiers ma place ici. Salutations, Marcel Carnet. À 13h le même jour, Prévert lui répond en ces termes. Me suis borné à faire suggestion comme tu me le demandais et uniquement pour le bien du film et pour le tien, te sachant en situation difficile, stop. Ignorer absolument télégramme impératif et catégorique Vondas et n'y suis pour rien. Ne suis pas d'accord avec ce procédé, mais trouve absolument impossible, pour ne pas dire plus, ton dernier télégramme et te prie rentrer grand chevaux dans petites écuries. Bien à toi, Jacques Prévert. Fin juillet 1947, le tournage est arrêté. Jamais il ne reprendra. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de ce film maudit? Pas grand-chose? Eh non, forcément. Quelques souvenirs d'acteurs et de techniciens. Des clichés, grâce aux photographes de plateau Émile Savitry, images sur lesquelles rien ne semble transparaître pourtant des difficultés du tournage. Carnet, le colérique, sourit. Prévert, l'absent, est là. Le yacht flotte en pleine mer. Le chien est dressé sur ses deux pattes. Meurice Reggiani, Anouk et Merletti jouent. Ces images en noir et blanc fixes sont les derniers vestiges de ce tournage, car les rushs ont disparu. Oui, tous les rushs. Dans ses mémoires, Marcel Carnet évoque les avoir oubliés au début des années 50 dans une salle de projection après les avoir montrés à François Mitterrand, alors ministre des colonies. Depuis cette date, le mystère reste entier. Si bien que bon nombre de cinéphiles, chercheurs et passionnés cherchent toujours la trace de ces bobines. Parmi ces archéologues du 7e art, on peut citer Guy Girard, qui interroge Carnet en 91 pour l'émission Cinéma Cinéma concernant justement les 79 boîtes de pellicules développées dans les laboratoires de Joinville. Je suis allé à GTC, j'ai vu sur un petit papier que le négatif avait été retiré en 1952 par Nicolas Vondas. Vous étiez au courant? Non. La première nouvelle. Je ne sais pas du tout. Mais oui, Vondas, il est mort, il avait 20 ans de plus que moi, il est mort, Vondas. Mais dites-moi, pour en continuer un peu sur les rushs, Jeanne Vita, à la fin de son livre La Lanterne Magique, Jeanne Vita était votre script, oui. Dit qu'il existe encore 200 mètres de pellicule de La Fleur de l'Âge. Si elle écrit ça, c'est qu'ils existent vraiment. Elle n'aurait pas écrit ça s'ils avaient été perdus. Je crois que le livre a été publié en 80. 200 mètres de La Fleur de l'Âge, mais je ne sais pas. Moi, j'ignore. Comment elle dit ça, j'en sais rien du tout. Elle aurait fait une enquête, on m'a dit. C'est possible. Mais auprès de qui elle aurait fait une enquête et où seraient ces 200 mètres? Je sais pas, c'est... Je venais vous le demander. Ben non, hélas, je ne peux pas vous le dire. On m'a demandé, je ne sais pas combien de fois, un nombre incalculable de fois. Vous aimeriez les revoir, les rushs, aujourd'hui? Je sais pas, ça demande réflexion. Non, j'irai encore dire gré, pourquoi? Pourquoi susciter dire gré? Vous n'avez pas du tout envie de vous attacher à ça? Les revoir? Ben, je serai un petit peu mélancolique quelques jours, au moins, pour le moins. Disons quelques heures, si vous voulez. Voilà pour Carnet, mais Prévert, qu'en dit-il? Eh bien, après 1947, il n'a jamais vraiment reparlé de ce tournage, comme de ce projet de film. À Belle-Île, le pénitencier où tout a commencé à fermer définitivement ses cellules d'enfants en 1977. Et en cette même année, les enfants perdus de l'île perdaient leur poète. Prévert n'était plus, seule son œuvre demeurerait. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des enneigeants qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis, il avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sans bredouille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Aujourd'hui, l'histoire d'un film qui n'a pas vu le jour, La Fleur de l'âge, dont nous allons parler avec notre invitée Carole Horouet. Bonjour. Bonjour. Si vous avez oublié quelque chose dans ce studio il y a un an, profitez-en pour le récupérer, parce que nous avons déjà reçu, il y a un an donc, pour Les Enfants du Paradis 2, Prévert et Carnet, également. Émission toujours disponible sur la page de France Inter, et si c'est pas comme avec La Fleur de l'âge, rien ne se perd. Et je le rappelle, vous êtes historienne, enseignante, chercheuse à l'université Cité Gustave Eiffel, et vous êtes spécialiste de Jacques Prévert, de ses écrits comme de son cinéma, et c'est escalité que vous êtes avec nous. L'histoire de ce film inachevé, donc, commence par un poème, La chasse à l'enfant. Alors, d'abord, quelle est l'histoire de ce poème qui sera l'histoire du début de notre histoire? Alors, Chasse à l'enfant, en fait, c'est un texte écrit par Prévert suite aux événements de Belle-Île, et c'est un texte qui arrive de manière fulgurante chez le poète, qui est révolté devant le traitement que l'on fait de ces jeunes bagnards, et qui décide de prendre la plume pour réagir, et qui écrit un poème, mais dans l'optique d'en faire une chanson. Alors, je précise cet aspect-là, parce qu'en fait, contrairement à ce que un certain nombre de personnes pensent, Prévert n'est pas chansonnier. Il n'écrit pas de chansons, il a écrit finalement assez peu de chansons, mais il écrit là un texte dans l'optique d'en faire une chanson. Il l'écrit pour Marianne Oswald, qu'on a entendu tout à l'heure, donc qui est à la fois chanteuse, à la fois actrice, et qui interprétera des rôles que Prévert lui écrira, notamment dans Les Amants de Vérone, et qui a ce timbre si, si singulier. Et il l'écrit pour Marianne Oswald, et il l'écrit également pour Joseph Cosma, pour que Joseph Cosma mette ce texte en musique. Et ce texte, qui va donc devenir une chanson, a finalement un parcours assez similaire au film, parce que visiblement il a été écrit fin 1934, il reste un petit peu comme ça en attente, et puis il est enregistré en fait en 1936. La partition est publiée en 1937. Marianne Oswald va chanter cette chanson qui va provoquer la colère notamment des gardiens de pénitencier. Et puis finalement, on n'entendra plus tellement parler de cette chanson. Et elle reverra le jour en 1946 et en 1947 quand Marianne Oswald l'enregistrera à nouveau. Donc c'est-à-dire exactement comme le parcours du film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, la première publication de paroles du recueil de poèmes de Prévert dont vous avez parlé tout à l'heure, date en fait de décembre 45. Et dans la version de décembre 45, Chasse à l'enfant n'est pas présent. Et en revanche, dans l'édition de 1946, qui est l'édition que nous avons aujourd'hui, Chasse à l'enfant est insérée. C'est vrai que ça swing, même dit bandit, voyou, voleur, schnappant. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. C'est efficace, hein? C'est cru, avec ces allitérations, c'est efficace. Et ouais. Je pense que comme on est aussi en 1934, on est dans la période durant laquelle Prévert écrit pour le groupe Octobre, pour la troupe de théâtre révolutionnaire, engagée. Et il y a aussi, voilà, ce ton très virulent, avec des textes qui sont écrits pour être dits, pour être criés, pour être chantés dans la rue et en réaction à l'actualité. Alors c'est Carnet qui dit c'est pas un pamphlet, c'est pas un film politique, mais pour Prévert, il y avait quand même une motivation sociétale, dirions-nous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, bon, quand Carnet dit ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas un documentaire, nous sommes en 1947, le tournage reprend, et je pense que Carnet a envie que le film, pour une fois, aboutisse. Donc, il essaie un peu d'édulcorer les choses. Il nous parle effectivement du pénitencier, mais il y a surtout des histoires d'amour, etc. Bon, pour le dire un peu crûment, je pense qu'il n'est pas très honnête à ce moment-là. Mais certes, le scénario a été édulcoré, mais ça reste un pamphlet. Et effectivement, la version, en tout cas la première version, des enfants perdus est véritablement un pamphlet. C'est un exposé, un traitement de 48 pages extrêmement virulent. On a des scènes qui se passent à l'intérieur du pénitencier, on a des scènes de maltraitance, on voit les conditions dans lesquelles les enfants sont détenus, sont traités. C'est véritablement un coup de poing, oui. Que représente Prévert dans les années 30, dans la vie intellectuelle française? Ah, c'est toujours difficile de le resituer. Il est connu pour ses activités dans le groupe Octobre, donc puisqu'il a quand même écrit une cinquantaine de pièces, de sketchs, de scénettes de 1932 à 1936, donc dans les milieux populaires, dans les milieux ouvriers, c'est quelqu'un effectivement qu'on connaît, qui s'est engagé. Il est connu également quand même pour quelques textes virulents qui sont déjà parus dans des revues, dont des textes anticléricaux principalement. Et puis il commence quand même à être connu au cinéma, mais c'est pas encore la grande époque et la décennie 1936-1946, mais il a tourné des films avec son frère Pierre Prévert, notamment L'affaire est dans le sac en 1932. Il a quand même tourné Le crime de Monsieur Lange juste avant, en 1935, oui. Donc de Jean Renoir. Et puis il a tourné aussi des comédies qu'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui, mais qui ont eu un franc succès et qui, grâce au rire, permettaient quand même de dénoncer un certain nombre de maux de notre société. Si j'étais le patron, ou encore Un oiseau rare de Richard Potier, qui sont des comédies absolument excellentes et très corrosives. Donc il a quand même cette notoriété, mais évidemment ce n'est pas la notoriété qu'il aura plus tard avec Les Enfants du Paradis, ou encore avec Parole, bien sûr, en 1946. Et surtout avec cet attelage composé avec Marcel Carnet. Quelle est la nature de cette relation, à la fois d'un point de vue artistique et professionnel, et d'un point de vue humain? Alors, ça a été une relation extrêmement vive, intense, pendant une dizaine d'années, hein, entre 1936 et 1947, 46-47, pour simplifier. On ne peut pas véritablement parler d'amitié, parce que les deux hommes sont extrêmement différents. On a vu leur échange, hein, pardon de vous couper, mais c'était quand même c'était sans concession. Hein. Mais évidemment, mais là, j'ai envie de dire le point de rupture. Oui. Donc effectivement, c'est très brut. Mais en fait, c'est deux personnalités extrêmement différentes et extrêmement complémentaires. Et c'est vrai qu'ils ont vu l'un et l'autre, je pense, l'intérêt de travailler ensemble. On a d'un côté Prévert qui est extrêmement foisonnant, avec une imagination extrêmement débridée, qui a 10 idées à la seconde. Et on a de l'autre côté Carnet qui va en quelque sorte un peu le guider, le canaliser. Et c'est vraiment une symbiose entre ces deux hommes pour arriver à créer. Et on voit que ça a évidemment très bien fonctionné, parce qu'entre Les Enfants du Paradis, Drôle de Drame, Le Jour se lève, ils ont mené à bien un certain nombre de grands films français durant cette période. Donc c'est vraiment l'idée de complémentarité dans le travail. On ne peut pas véritablement parler d'amitié, comme je vous le disais, dans le sens où Carné ne fait pas vraiment partie de la bande à Prévert. Quand il y a des fêtes un peu démentes, Carné n'est pas forcément là. Voilà, il y a ce respect dans le travail. Ça, vous aiguisez ma curiosité là, dans les fêtes chez Prévert. On va pas faire un inventaire, si oui, j'ose dire. Oui, ça serait, il y en aurait beaucoup, mais il y a beaucoup d'acteurs. Il y a Raymond Bussière, par exemple. Il y a Maurice Baquet, Pierre Brasseur également. Donc voilà, là on est autour des proches. Carné, c'est un peu autre chose, mais voilà, il y a ce respect. Et puis Prévert a parfaitement conscience qu'il n'a pas des qualités et qu'il n'a pas envie, hein, de toute façon, de diriger une équipe, de donner des ordres, ce que Carné fait très bien lui sur le tournage. Donc Prévert écrit son texte, il sait que Carné respecte ce texte, va le suivre à la lettre et va endosser en quelque sorte le rôle que lui n'a pas du tout envie d'endosser, se battre contre les producteurs, se battre pour mener son équipe à bien, son film à bien. Donc il y a vraiment cette complémentarité qui leur convient très bien. Par contre, effectivement, L'île des enfants perdus, qui est devenue La Fleur de l'âge, c'est quand même, il faut s'imaginer la situation, hein, un film qu'ils vont porter pendant 11 ans, ce n'est pas rien. Et au bout d'un moment, devant les difficultés qui s'accumulent, les incompréhensions liées aussi à la distance, parce que Prévert est à Paris, Carné est à Belle-Île, les télégrammes sont échangés avec les quiproquos, les interprétations, tout ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la censure quoi, qui explique. Non, il n'y a pas que la censure, il y a aussi une entente qui commence à devenir un petit peu compliquée. Bon, alors il y a un troisième personnage, une troisième personne, Arletty, hein, dans cette histoire. Bien sûr. Vous voulez qu'on écoute Arletty ? Avec grand plaisir. Hein, parlant de ce film, justement, interrogé sur France Inter par André Asseo, le 28 mars 1983, et l'actrice évoque son rôle dans Le Retour de l'île des enfants perdus, ou plus précisément, dans La Fleur de l'âge. La Fleur de l'âge, c'est un monsieur qui voulait absolument me voir, me faire remonter dans les films. Mais je ne voulais pas revenir. Pourquoi ? Pourquoi vous ne vouliez pas ? Je ne voulais pas. J'étais pas mûre pour revenir. Vous savez, malgré tout, hein, ça, refaire des sourires, hein, revenir, non. Je ne voulais pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez ? Qu'est-ce que vous... J'ai dit, je ne voudrais travailler qu'avec ma même équipe. C'est-à-dire Carné, Prévert et des tas de camarades. J'avais dit, voilà. Et comme vous ne les aurez pas, c'est pas la peine. N'insistez pas, vous ne les aurez pas. 15 jours après, il les avait. Et voilà l'histoire. Et pourtant, le film ne s'est pas fait. Il s'est fait malgré tout, parce que nous sommes allés à Belle-Île-en-Vert. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça vous inspire plutôt ? Oui, en fait, c'est vrai que le film repart grâce à Arletty. Parce que Vondas, le producteur, veut absolument la voir revenir à l'écran. Et donc, il va la chercher. Et Arletty a le souvenir de ce film merveilleux et de ce rôle qu'elle a, évidemment, qui est son rôle préféré, le rôle de Garance dans Les Enfants du Paradis. Et en fait, la seule condition pour la persuader de revenir sur les écrans, c'est de retrouver la même équipe que Les Enfants du Paradis. Alors, on parle souvent des acteurs, mais la même équipe, c'est évidemment Carné, c'est évidemment Prévert. Mais c'est aussi Roger Hubert, le chef opérateur, c'est aussi Alexandre Trauner, le décorateur, et Joseph Cosma, le compositeur. Et donc, à partir du moment où elle va se retrouver avec cette sorte de famille, cette équipe formidable, elle est partante pour revenir, et c'est ce qui va se passer. Une grande star à l'époque, déjà ou... Oui, une grande star, bien sûr, et puis une relation très singulière avec Prévert, toujours un respect, un amour réciproque. Et d'ailleurs, Prévert va accepter de remanier, de rempailler, de retravailler son scénario pour elle, parce que le rôle qui était prévu pour une toute jeune fille, le rôle de Daniel, évidemment, ne peut pas être tenu de la sorte par Arletty, qui a presque 50 ans. Donc Prévert décide de réécrire ce rôle, ce qui n'est pas rien, parce que Prévert n'est pas quelqu'un qui fait fréquemment des concessions et qui accepte de revenir sur son travail. Mais pour Arletty, il le fait, effectivement. Alors, il y a d'autres belles histoires humaines, notamment, genre Arletty Prévert, autour d'Anouk Aimée, je sais pas. Prévert qui l'a baptisé ainsi durant le tournage, c'est vrai ? Oui, c'est vraiment une très belle histoire. En fait, Anouk Aimée fête ses 15 ans la veille du premier jour du tournage de La Fleur de l'âge. Prévert la trouve extrêmement gentille. Il lui explique que quand même, elle ne peut pas s'appeler Canou, qu'un prénom, c'est trop court. Et il lui dit que quand elle aura une quarantaine d'années, ça sera quand même un petit peu ridicule, Anouk. Et elle ne comprend pas très bien d'ailleurs, parce qu'elle elle lui rétorque que bah, Arletty a bien une cinquantaine d'années et n'a qu'un prénom. Oui. Mais il lui propose de se faire appeler Anouk Aimée, parce que tout le monde l'aime sur le tournage. Et elle accepte, et elle est évidemment encore aujourd'hui ravie d'avoir été baptisée par un poète. Et effectivement, c'est sur le tournage de La Fleur de l'Âge. Alors, La Fleur de l'Âge, ce film inachevé, resté célèbre, justement parce que quelque part il n'existe pas, tout en existant beaucoup, la preuve, c'est qu'on en parle. On va écouter une archive extraite du passionnant et touchant documentaire de 2004, Carnet de naufrage, qu'on a évoqué dans le récit. On y entend Margot Capelier parler. C'est l'une des secrétaires de Marcel Carnet. J'entends pas. Oui, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Là, je vous entends. D'accord. Avec Prévert, on a présenté au Brain Trust... Et aux gens, aux repreneurs, les plans qui avaient été déjà tournés à Belle-Île. Mmh. Et y a, entre autres, le plan du yacht qui avait été pris à 3 caméras. Et Prévert disait, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais qu'est-ce que je vais dire? Et puis la lumière s'est rallumée, ils ont dit, c'est merveilleux. Il y avait un plan avec Maurice. Il y avait un plan avec Arletty. Ah oui, c'était d'une beauté rare. Témoignage amusant, je pensais, vous m'entendez pas, mais si, je vous entends. Oui, qu'est-ce que vous inspire également, ce témoignage? C'est assez émouvant, hein, parce que Margot Capelier, c'est quand même une amie de Prévert depuis le groupe Octobre, et puis elle est devenue plus tard une des plus grandes directrices de casting en France, et c'était un sacré personnage, et ces souvenirs-là, bah, sont certes un peu anecdotiques, mais très émouvants, et c'est évident que les images, pardon, devaient être très très très belles. Roger Hubert avait beaucoup de difficultés à tourner, le chef opérateur, du fait du climat, des nuages, mais on imagine assez bien la beauté des images qu'il a quand même pu tourner, capter sur cette île avec de surcroît ses comédiens, mais la beauté de cette île aussi. Évidemment, Belle-Île, la bien nommée Belle-Île. Pensez-vous que ce soit l'un des trésors les plus recherchés du cinéma français, cette Fleur de l'Âge? Ah ben c'est sûr que La Fleur de l'Âge est devenue mythique, on l'a tous recherché pendant des années. Hein. Moi j'ai travaillé une dizaine d'années sur ce film, dans les archives, en essayant de retrouver ses bobines. Ce n'est pas le seul, hein. On peut penser au film d'Orson Welles, on peut penser aussi plus récemment au Don Quichotte de Terry Gilliam. Enfin il y a des films comme ça un peu maudits. Oui d'ailleurs, nous avons raconté dans Affaires Sensibles, je ne pense pas qu'on en ait loupé beaucoup pour l'instant. Tout se fait, je crois. Voilà, donc il y en a peu, mais il y en a. C'est le cas de La Fleur de l'Âge. Hein. Le casting, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est quand même impressionnant, tant au niveau des techniciens que des acteurs. On en attendait beaucoup, un sujet quand même très très important, qui a été traité au cinéma, mais finalement pas tant que ça. Bon, ces bobines, je pense malheureusement qu'on ne les retrouvera jamais. Ah. Maintenant, c'est pas aussi simple que Carnet veut bien le dire, c'est-à-dire que effectivement, il y a à peu près 200 plans. Oui. Sur 900 qui ont été tournés. Il y a des rushs, comme vous l'avez dit, mais il y a eu aussi un tirage pour la projection de 1952. Donc deux supports. Bon, et puis on peut entretenir l'espoir selon lequel un jour on retrouvera ce film. Merci, Carole Horouet. Merci infiniment. Merci au revoir. À vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Fleur de l'Âge, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Pauline Laverdure qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jean Bulot, Adrien Carra, Romain Weber, Constance Villanova et Jeanne Maillard. Attaché de production, Valérie Priol. Coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, voix Damien Prévost, Philippe Pirard et Julien Large, réalisation Hélène Bizio et Coyenne Guyenne.